Mercredi 15 février 2017, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici la charpente. L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya conseille aux politiciens qui se rendent à Arusha pour le rendez-vous du 16 au 18 de renoncer à leur position qui bloque l'avancement du dialogue. Et à l'Union burundaise pour la promotion des bateaux Unuproba, il demande d'être représenté dans ce dialogue. Un véhicule de marque Probox volé dimanche au chef-lieu de la province Ngozi après l'assassinat de son chauffeur a été retrouvé ce mercredi matin en zone urbaine de Kanyosha. Et la présidente de la commission éducation à l'Assemblée nationale demande au ministère burundais de l'éducation d'uniformiser la mise en application du second cycle de master dans les universités du Burundi. Et vers la fin de ce journal, vous aurez droit au reportage du jour qui nous conduit à l'école fondamentale de Lugari, c'est en province Ruyigi, c'est à l'est du pays, où les premières années comptent une centaine d'apprenants et les troisièmes et quatrièmes années se partagent une seule classe. En international, Washington va débloquer une enveloppe supplémentaire de 25 millions de dollars américains pour aider l'Ouganda à faire face à l'afflux important des réfugiés. Vous aurez les détails dans ce journal présent par Mireille Kanyange et la mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. Rebonjour. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois, page politique. Pour débuter ce journal, l'Union pour la promotion des bateaux Uniproba demande d'être représentée dans le dialogue prévu du 16 au 18 à Arusha, en Tanzanie. Le parlementaire Nengo Emmanuel de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine estime que certains politiciens mettent plutôt en avant les intérêts de leur famille politique. Selon ce député, l'Uniproba a des contributions sur la situation actuelle du pays. Cette organisation apprécie positivement le pas déjà franchi par le facilitateur dans la crise burundaise. On l'écoute. Avant, le facilitateur invitait le groupe Batwa dans ce dialogue depuis le commencement. Mais ce qui nous a fort étonné, c'est que pour ce prochain rendez-vous, la communauté Batwa n'a pas été invitée. Nous avons des inquiétudes parce que vous savez que pendant les négociations des accords d'Arusha, les Batwa n'étaient pas représentés. Vous avez trouvé que les issues n'ont pas pris en compte la représentation des bateaux. Nos inquiétudes restent fondées tant que demain les négociations vont rassembler les politiciens. Et souvent, les politiciens travaillent sur des intérêts. Nous pensons que du côté des bateaux, la marginalisation, la discrimination restent toujours présentes. C'est pour cette raison que nous demandons aux médiateurs de penser à cela et inviter les bateaux aussi à prendre part à ces négociations depuis le commencement jusqu'à la fin. Comme ça, les bateaux seront témoins de ce qui s'est passé, de leur contribution. À vous entendre, est-ce que ces politiciens qui sont invités, ils ne représentent pas, ils ne parlent pas pour tous les Burundais, y compris l'Uniproba. Bien sûr, quand ils sont en train de discuter, ils travaillent sur les questions qui hantent la communauté burundaise. Et comme nous l'avons déjà observé, c'est que quand ils discutent, ils oublient complètement les bateaux. L'exemple, c'est les accords d'Arusha où les bateaux ne sont mentionnés nulle part. C'est pour cette raison que pour cette fois-ci, nous aimerions que la communauté bateau soit représentée pour que leur contribution soit quand même entendu et considéré. Une fois l'Uniproba invité, allez-vous parler au nom de tous les Burundais ou allez-vous parler au nom de l'Uniproba? Quand il y a des ajouts, on peut ajouter. Les représentants des bateaux ne peuvent pas parler au nom des bateaux seulement. Il y a quand même d'autres contributions, des observations au niveau de la situation que notre pays est en train de passer. Nengo Emmanuel, c'est le député de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine issu de l'Union pour la promotion des bateaux Uniproba. Et c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Telle est la lecture de l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya. Le sénateur Ntibantunganya conseille aux politiciens qui se rendent à Arusha de renoncer à leur position qui bloque l'avancement du dialogue afin de répondre aux préoccupations qui touchent les intérêts majeurs de la population burundaise. On l'écoute. L'indépendance du Burundi, elle est liée à l'action du parti Uprona, plus particulièrement au leadership du prince Louis Rwagasore. Le retour du Burundi à la démocratie est lié à l'action, au leadership de Melchior Ndadaye et à l'action politique du parti Sabanyafrodebo. J'allais dire aussi que la lutte pour la consolidation de la démocratie, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se sont appelés au sein du DFDD, est liée également

instituts de recherche sanitaire américains. Il y a 25 ans, la pollution de l'air était responsable de 730 000 cas de décès prématurés en Inde. Depuis, ce chiffre a bondi jusqu'à 1,1 million l'an dernier, des niveaux qui sont ceux de la Chine. En Inde, la pollution vient des feux agricoles, des usines de briques situées tout près des villes et en plus du fait de brûler des combustibles à l'intérieur de la maison, ce qui a un impact important sur les femmes et les enfants. Merci à Christelle Anizigama pour cette page internationale. Ainsi se referme ce journal à 13h16 dans les studios de la radio Isanganiro. Mais vous retiendrez que l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya conseille aux politiciens qui se rendent à Arusha demain pour le rendez-vous du 16-18. Il les conseille de renoncer à leur position qui bloque l'avancement du dialogue afin de répondre aux préoccupations qui touchent aux intérêts majeurs de la population. Et un véhicule de marque Probox volé dimanche au chef-lieu de la province Ngozi après l'assassinat de son chauffeur a été retrouvé ce mercredi matin en zone urbaine de Kanyosha. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Aimé Toussamite Woods qui a assuré la mise en onde. Un excellent après-midi à tous et à tous. Au revoir.